بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Tout ce qui est dans les cieux et sur terre rend gloire à Allah, lui le tout puissant, le sage. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. À lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Il fait vivre et mourir, et il est de toutes choses infiniment capable. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Il est le premier et le dernier, le patent et le latent, et il est de toutes choses savant. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis s'est installé avec une infinie majesté, Istawa, sur le trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte, et il est avec vous en quelque lieu que vous soyez. Allah est parfaitement lucide de ce que vous faites. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. À lui appartient la royauté des cieux et de la terre, et c'est vers Allah que toute chose doit faire retour. يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Il fait pénétrer la nuit dans le jour, et il fait pénétrer le jour dans la nuit, et il sait parfaitement ce que recèlent les cœurs. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Croyez en Allah et en son messager. Dépensez de ce dont il vous a fait les gérants. Ceux d'entre vous qui croient et donnent de leurs biens en aumône obtiendront certes une grande récompense. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Et pourquoi ne croyez-vous pas en Allah quand le messager vous invite à croire en votre Seigneur et qu'Allah a déjà obtenu de vous un engagement, si tant est que vous soyez croyant? هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. C'est lui qui révèle à son serviteur des versets explicites pour vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Allah est, envers vous, tout compatissant et tout miséricordieux. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. Et pourquoi ne dépensez-vous pas de vos biens pour la cause d'Allah, à qui doit revenir l'héritage des cieux et de la terre? Ne peuvent être tenus pour égaux ceux d'entre vous qui auront dépensé de leurs biens et combattu avant la victoire, la prise de la Mecque et les autres. Ceux-là occuperont un rang plus élevé que ceux qui auront dépensé de leurs biens et combattu après la victoire. Mais à tous, Allah a promis la plus belle des récompenses. Allah est, de tout ce que vous faites, parfaitement informé. Quiconque accorde à Allah un prêt de bonne volonté se verra remboursé au centuple et il aura rémunération généreuse. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes précédés de leur lumière qui se déploiera au-devant d'eux et sur leur droite, il leur sera dit: heureuse nouvelle pour vous. Aujourd'hui, il y aura pour vous des jardins sous lesquels coulent des rivières, et vous y séjournerez pour l'éternité. Voilà le succès suprême. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. En ce jour, les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui auront cru: attendez-nous que nous puissions prendre un peu de votre lumière. Mais il leur sera répondu: revenez sur vos pas, allez quêter ailleurs votre lumière. Entre eux sera alors dressée une muraille, dont la porte donnera, à l'intérieur, accès à la miséricorde, et à l'extérieur fera face au supplice. يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. N'étions-nous pas avec vous, crieront les hypocrites. Si, répondront les croyants, mais vous avez succombé de vous-même à la tentation, vous ne faisiez qu'atermoyer, vous doutiez, et vous vous êtes laissé séduire par les faux espoirs, jusqu'à ce que fût venu l'ordre d'Allah. Satan, le suborneur, vous a abusé au sujet d'Allah. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Aujourd'hui, aucune compensation ne sera acceptée de vous, ni de ceux qui ont mécru. Votre séjour est le feu, c'est le lieu qui vous convient le mieux. Et quel affreux devenir. Alam ya'ni lil-ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqqi wa la yakunu kal-ladhina utul kitaba min qabl ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. N'est-il donc pas temps pour ceux qui ont cru de laisser leur cœur se recueillir dans la contrition à l'évocation d'Allah et de ce qui est révélé comme vérité? Qu'ils ne soient pas comme ceux qui ont reçu le livre avant eux et dont, avec le temps, les cœurs ont fini par s'endurcir. Bon nombre d'entre eux furent des pervers. Sachez qu'Allah fait revivre la terre une fois morte. Nous avons expliqué les signes afin que vous entendiez raison. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Les hommes et les femmes qui font don d'aumônes et qui ont consenti à Allah un prêt de bonne volonté seront remboursés au centuple et ils auront rémunération généreuse. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers, ceux-là sont les véridiques par excellence et les témoins auprès de leur Seigneur. Ils auront leur récompense et leur lumière, tandis que ceux qui auront mécru et nié nos signes, ceux-là seront les hôtes du brasier. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Sachez que la vie en ce bas monde n'est que jeu, divertissement, apparat, vaines émulations entre vous et course au bien et à la progéniture. Elle est-elle une pluie faisant pousser une végétation qui plaît aux cultivateurs, mais qui, après avoir cru en abondance, finit par jaunir, puis se réduire en amas de brindilles desséchées. Dans l'au-delà, ce sera soit un terrible supplice, soit le pardon et l'agrément d'Allah. Et la vie en ce bas monde n'est que jouissance illusoire. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Courez donc à qui mieux vers un pardon de votre Seigneur et vers un paradis aussi large que le ciel et la terre, ménagé pour ceux qui auront cru en Allah et en ses messagers. Telle est la faveur d'Allah, qu'il accorde à qui il veut. Et Allah est le détenteur de la faveur suprême. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Il n'est point de catastrophe frappant la terre ou de malheur vous frappant vous-même qui ne soit consigné dans un livre bien avant que nous ne l'ayons fait se produire. Cela est, pour Allah, chose vraiment aisée. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كل مختال فخور. Cela pour que vous ne vous lamentiez pas trop sur les biens qui vous auront échappé et que vous ne vous réjouissiez pas outre mesure de ce qu'il vous a donné. Car Allah n'aime pas ceux qui sont hautains et vantards. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Ceux qui sont avares et exhortent les hommes à l'avarice. Que celui qui se détourne des commandements divins sache qu'Allah est celui qui se passe de toutes choses et qu'il est le digne de toute louange. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Nous envoyâmes nos messagers munis d'épreuves évidentes, et nous fîmes descendre par leur intermédiaire le livre et la balance, afin que les hommes s'imposent la justice. Nous fîmes aussi descendre le fer, source de force redoutable, mais plein d'utilité pour les hommes. C'est aussi pour qu'Allah sache qui, sans même le voir, soutiendra sa cause et celle de ses messagers. Il est le fort, le tout-puissant. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. Nous envoyâmes en messager Noé et Abraham, et fîmes don à leur descendance de la prophétie et du livre. Quelques-uns parmi eux étaient bien guidés, mais bon nombre d'entre eux étaient certes pervers. قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. Puis nous leur fîmes succéder nos messagers ultérieurs et envoyâmes à leur suite Jésus, fils de Marie, à qui nous confiâmes l'Évangile. Nous mîmes alors dans les cœurs de ses adeptes la pitié et la clémence. La vie monacale, ce sont eux qui l'inventèrent, sans que nous ne la leur imposions. Par elle, ils voulaient obtenir la satisfaction d'Allah, mais ils ne surent l'appliquer telle qu'elle aurait dû l'être. Nous accordâmes leur récompense à ceux d'entre eux qui ont cru, mais les autres, pour la plupart, sont des pervers. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. Oh, vous qui avez cru, craignez Allah, croyez en son messager, Allah vous accordera alors deux parts de sa miséricorde. Il vous donnera une lumière pour guider votre marche et vous pardonnera vos péchés. Car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Afin que les gens du livre sachent qu'ils n'ont aucun pouvoir pour obtenir la faveur d'Allah. Car la faveur est dans la main d'Allah. Il la donne à qui il veut, lui, le détenteur de la faveur suprême.